chez les Watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. De Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du parc des Oblates, où on est actuellement, et dans lequel il y a un genre de, je sais pas, un ancien couvent, une abbaye, je sais pas, il y a des petites chapelles et tout, c'est très très mignon. Et il y a des jardins potagers là dans le parc des Oblates, à Nantes. Est-ce que c'est encore Nantes? Ah, j'ai l'impression que c'est peut-être en bordure, c'est peut-être plus la ville de Nantes même, j'en sais rien. Voilà, on a un peu de tout, hein. C'est pas mal du tout. Ça fait très très joli là, au milieu de nulle part. Je pense qu'il y a même des quelques brebis ou quoi, parce qu'il y a de quoi avoir des bêtes avec des clôtures et tout. C'est vachement bien aménagé. Un petit potager privé là au milieu du parc. On a un peu de tout, on a de la vigne, on a de la patate, on vient de repiquer des salades. On a quelques blettes qui ont eu un peu chaud là, prêtes pour l'automne. Voilà, on a des pieds de tomates en fin de vie, des pieds de tomates qui ont le mildiou. On a du raisin, on a... Qu'est-ce qu'on a là? On a de la courgette, on a des potimarrons, on a eu des beaux parterres de patates douces. Là, il y a des gens qui ont mis des patates douces, c'est pas mal du tout. Et là, j'ai des murs... C'est des murs, ça? Attends, mais elles sont énormes! Elles font moins 2 cm, 2, 3 cm de long, là. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des petits abricots. La vache! Ah là là, non, c'est très très joli. Aujourd'hui, on visite un peu... tous les sites du voyage de Nantes, voyage à Nantes, voyage de Nantes, d'ailleurs je sais pas comment ils l'ont appelé, où c'est des trucs d'exposition artistique ou des installations culturelles ou paysagères, et ça s'annonce vachement bien. On en connaît déjà quelques-unes, mais il y a quelques trucs comme ça, et puis voilà, ça c'est le premier que je fais, tiens, le parc des Oblates, voilà, avec son... Ouais, je pense que c'est un couvent ou un truc comme ça. Ça ressemble quand même à un couvent. Avec ses petites chapelles, très beau. Et puis son parc potager. Enfin, c'est différent de parcelles potagères. On a un peu de tout. Il y a des fraises. Il n'y a plus de fraises. Il y a de la nette. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des capucines. Il y a des petits artichauts. Ils sont timides les artichauts encore. Il y a des belles bordures avec des fleurs violettes là, en trompette. Magnifique. Ça fait du bien de voir ce genre de lieu en ville, quoi. Là, c'est quand même assez paisible. Bon, on entend un petit peu au loin la circulation, mais tu sens que ça fait une bouffée d'air au milieu. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quelques centaines de mètres plus loin, on a déjà vu le belvédère qui donne sur la Loire. On arrive au jardin extraordinaire, un truc comme ça, ou merveilleux. Non, jardin extraordinaire, qui est un jardin paysager. Avec une cascade de 25 mètres de haut, et du coup différents bassins en eau en circuit fermé, eau qui est pompée directement dans une nappe phréatique en dessous de là où on est, parce qu'en fait on est dans une ancienne carrière, donc il y a un énorme flanc de rochers d'un côté, d'où descend la cascade, et avec un circuit fermé, une pompe qui remet de l'eau sur la cascade, quoi. Et du coup bah, ça crée un vent de fraîcheur, qui est vachement agréable quand on passe à côté. Et je pense qu'il y a vraiment un micro-climat qui se crée avec la falaise qui doit énormément chauffer au soleil en cette période d'été. Et on a des plantes qui sont relatives. On a un peu de toutes sortes, mais autour de la cascade, on a des trucs qui sont particulièrement exotiques, quoi. On a pas mal de palmiers fougères, on a du bananier, voilà, des choses qui aiment bien la chaleur. On va avoir un peu plus loin, voilà, des figuiers, pas mal de trucs comme ça. Et tout est un peu alimenté avec cette eau-là. Et c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique, vraiment. En plus, on est bien à l'abri du vent. Donc vraiment, on a une température qui monte. Mais avec cette cascade, ça vient tout rafraîchir. Et au final, je pense que là, j'ai moins chaud ici que en marchant là sur les quais ou sur les hauteurs comme tout à l'heure. Donc c'est assez impressionnant en termes de système de biodiversité là et de vivant, comment ils ont réussi à connecter et à recréer un mini écosystème comme ça, c'est beau. Alors évidemment c'est paysager, hein, donc là c'est organisé un peu tout toutes les plantes sont à leur place, etc. Il n'y a pas les étiquettes, c'est con, parce qu'il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Et voilà, on va avoir du figuier, on a tout un petit parc de bambous. Moi, j'adore les bambous. On a tout un petit parc de bambous, on a des courges qui vont venir courir dessus. Ce genre de plantes, c'est très très beau. Et ici, je me déplace et on va voir d'autres choses, quoi. On a plutôt des roseaux, on va avoir des iris, etc. Tout est alimenté avec ce circuit d'eau comme ça, donc j'imagine qu'il ne manque pas d'eau. Tout ces purée, il y a un figuier un peu vieux là. Il a des jolies figues. Je peux pas y aller. Je sais pas pourquoi les figuiers ne mûrissent pas à la même saison. Là on a des roses trémières. C'est très très beau, très très bien organisé, c'est très joli. C'est très chouette, vraiment très très chouette endroit. L'ambiance végétale inspirée des livres de Jules Verne. Des plantes rares et exubérantes. Près de 200 espèces végétales ont été plantées. Étonnantes par leur feuillage, leur couleur, leur floraison, certaines semblent tout droit sorties de l'univers de Jules Verne. Une végétation extraordinaire en somme, luxuriante et tropicale, qui saura profiter du microclimat du site, parmi lesquels fougères arborescentes, bananiers, ostaces à feuilles géantes, cycas, lotus, Junera du Brésil. Le microclimat de plus 4 degrés dans la carrière permet d'y introduire des plantes tropicales exotiques. Putain, j'avais raison en plus. La falaise forme un demi-cercle qui offre une protection au vent. Putain, mais vraiment, c'est tout ce que j'ai dit avant. Et donc une protection thermique. La carrière tamponne la température. Elle garde la chaleur et la restitue la nuit. Ainsi, les plantes ne souffrent pas du vent et les températures sont légèrement supérieures de 4 degrés de différence entre la côte de la Loire et l'intérieur du jardin. Sachant que la côte de la Loire, le côté Loire, l'intérieur du jardin. Sachant que la Loire est à moins de 100 mètres. Chiffre clé, 75 arbres plantés, 20 000 arbustes vivaces plantés, 2600 bulles, 500 bouons d'ancrage, 83 mètres de déroctage, 200 mètres carrés d'enrochement, 300 millilitres de cheminement, 1050 mètres carrés, jardin plus berge humide, 350 mètres carrés de rocher, de mètres cubes de rocher. Toujours le long de cette ligne verte, on a remonté le quai des plantes, alors qui est la rive de la Loire à Nantes. Et en fait, il y a une installation où on a mis le long du quai plein de plantes en pot, pas mal d'arbres et d'arbustes. Alors, je sais pas s'ils vont rester là très longtemps, mais ce que je me disais, la réflexion que je me faisais hier, c'était quand même, vu la taille de certains arbres et la taille de leur peau, les pauvres, ils allaient souffrir. De toute façon, il y en a quelques-uns qui sont un peu mal en point. Mais voilà, il y a des espaces de restauration, des espaces de repos, c'est très chouette, évidemment. C'est pas comme la boule, mais c'est très chouette. Et au bord de ce quai, il y a aussi un navire de la marine française, enfin un ancien, qui s'appelle le Maillet Brésé. Voilà, aujourd'hui qui est géré par une association et c'est le musée naval. On ira peut-être tout à l'heure, parce qu'il n'y a qu'une visite à 14h30 et une visite à 15h. Donc c'est un peu juste, mais voilà. On verra si on peut se démerder et aller voir ça. Quoi. Ça dépend du parcours que je vais faire là. Je sais pas où je vais me retrouver. Bon, on va peut-être pas aller sur l'île. Si. Bon, si, allez. On est repassé par l'île de Nantes. Oh, l'éléphant, les potagers, les grandes bottes dans le potager. J'étais passé devant hier, mais j'avais même pas fait gaffe à ces bottes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, je sais pas, j'ai un peu le glandouillé, quoi. Je me suis baladé, j'ai marché sur l'île. J'ai fait un peu le tour de tous les trucs qu'il y avait sur le plan. Parce qu'il y a un petit plan, là, de l'exposition. Enfin, du sort de festival, je sais pas comment ils appellent ça. Mais c'est bien voyage à Nantes, hein, du coup, pas de Nantes. Et ouais, il y a quand même des trucs vachement sympas. Hein. En termes d'urbanisme, c'est quand même assez stylé. Et en termes d'organisation aussi avec les espaces verts et tout, les trucs originaux, quoi, ça a pas peur d'être chelou en fait. Et c'est vachement bien. On a enfin l'impression d'avoir une ville qui vit dans son temps. En tout cas, certains quartiers. Merci les scooters de merde. On a l'impression d'être vraiment, voilà, dans certains quartiers aujourd'hui, quoi. et pas il y a 30 ans. Et ça fait du bien. Ou même avant d'ailleurs. En labo, on a l'impression d'être dans les années 60. Mais bon. Ah là là. Donc là, on a fait le tour, on est revenu un peu dans le... T'arrives là qu'il y a des travaux. Dans le centre. Bon, dès qu'on est dans le centre, c'est quand même beaucoup moins bien. Des magasins partout et surtout des gens partout. Et moi, j'aime pas ça. En tout cas, en ce moment, ça fait un sacré contraste entre les pistes sur lesquelles il n'y a personne, les campagnes dans lesquelles il n'y a personne. Et puis là, boum, tu te retrouves en centre-ville. Les tensions montent, quoi. Moi, ça me gaffe très très vite. Très très vite. Mais bon, malgré tout, il y a plein de choses à faire et plein de choses à voir. Donc on s'en accommode. Et ils ont un genre de théâtre là, théâtre Grasselin, qui a été aménagé avec une énorme cascade sur sa devanture et l'eau vient se briser sur les marches du théâtre. C'est très très stylé. Puis ça fait une brume fraîche sur toute la place. C'est vachement agréable. Et il y avait une autre statue que j'ai trouvée magnifique, qui s'appelle l'éloge de la... Merde. Oh là là, les motos. J'aimerais passer le permis moto. Oui, oui, le permis moto. L'éloge de la transgression. Et l'éloge de la transgression, en fait, c'est la statue d'une petite fille qui descend ou qui monte, on ne sait pas, de son socle de statue, quoi. Il y a même les deux petits barres en métal pour normalement caler ses pieds dedans pour qu'elle soit droite. Mais tout le principe de la statue, c'est que le personnage est en mouvement au bord du socle. Donc on ne sait pas s'il monte ou s'il descend. Et j'aime bien parce que sur la description évidemment de l'artiste et de l'œuvre, ils mettent oui c'est bien, on revoit là. Tout le travail de José qui passe son temps à mettre une limite et lequel le spectateur se pose des questions si c'est une version ou une autre. Bon, en vrai, on s'en fout un peu. Mais au niveau ce qu'on y veut, c'est surtout ça. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un gars il y avait deux petits vieux et il n'y a rien de la statue. Il y en a un qui dit à l'autre, ça c'est vraiment une statue qui veut dire que... C'est une statue sérieuse, hein, quand même. Hein. C'est une statue qui veut dire quelque chose. Hein. Comme si toutes les autres installations et toutes les autres œuvres ne voulaient rien dire. Que si toutes les autres n'avaient aucun sens et qu'elles ne portaient pas de message. Quoi. Donc celle-là, attention, elle veut dire quelque chose. Hein. Ils m'ont tué. Bon, ça fait quand même presque 5 heures que je marche. Donc là, je rentre me poser un petit peu parce que me rafraîchir et manger et boire un petit peu. C'est mine de rien. Et faire des étirements. Hein. Parce que mine de rien, ça fait de l'exercice. Hein, et ça crée des tensions dans les jambes aussi. Hein, comme si on n'en avait pas déjà assez comme ça. Je dirais avec le vélo. Ouais. Donc là, repos. Une heure ou deux. Mon monologue est arrivé là-bas. Allez. Attends, là, tout à l'heure. Comme ça, ça va plus vite, par contre. Quoi ? Comme ça va plus vite, c'est sûr. Bah ouais, mais... Non, mais on sent que c'est un pantalon. T'as fait un temps en fait ? Deux fois, la deuxième fois. Bon, ça se voit pas, hein. Bah si, ça se voit. Ça se tient, hein. Bah ouais, c'est la première fois, hein. Ah ouais ? Tu veux essayer ? Allez. Je veux bien essayer, mais j'ai tellement pas d'équilibre que ça va être une catastrophe. Bon, on s'en fout. J'ai commencé, tu aurais vu, la semaine dernière, j'étais... Tout le monde en fait du coup. Non, là c'est les trois petites là, c'est des gens. Est-ce qu'il y en a qui résistent plus, qui sont plus tendus? Oui. Et c'est plus facile sur celles qui sont tendues ou pas? Ça dépend des gens. Là, tu vois, celles qui sont là-bas sont beaucoup moins tendues parce qu'elles sont plus longues. Celle-là est moins tendue que la première. Enfin, ça dépend des... ça dépend de tes goûts. Et puis celle-là est, par exemple, plus large que la barre et là-bas. Ok. Il y en a vraiment pour tout le monde. Faut essayer. Excuse-moi, frère. Qu'est-ce que tu fais que tu ne prends pas? La peinture, oui, on fait de la peinture. Et ça te prend... Bah, les profs nous demandent beaucoup de taf. Ah ouais? Ouais. Bisous, Anna. Bah, rentre bien les filles, merci d'être passée. À demain peut-être. Ah oui, moi demain je suis déter tout à l'atelier. Ouais. De toute façon, on va pas avoir le choix. Hein. On a déjà du taf donc. Ah, moi je pense pas que j'y serai à 8h30-9h, mais. Bah là, ça fait deux jours que je fume plus. Mais bon, pour la Slack, c'est pas très compatible. Je suis hyper active, tous les copains ils m'ont dit. Mais c'est ça. Une petite forme de méditation physique. Ouais, c'est ça. Il va falloir méditer sérieux quand même là. Et tu vas devoir te calmer et te concentrer. Bah ouais, on est là, maman. Ah ouais, je suis la meuf la plus frileuse de la Terre, donc là, quand il fait moins 10, mes pieds ça va pas plaire. T'as hâte d'être en chaussures. Bon, tu viens essayer? Allez. Ce manque de volonté. Ah bah, je t'ai fait. Oh là là, comment je fais pas. Vas-y, tu prends le relais. Alors, bah, c'est toi qui gères les musiques de merde qui passent sur le. Non, j'ai rien géré du tout là. Je suis sûr que c'est ta faute. J'ai mis Jérusalem tout à l'heure. C'est bah voilà, c'est bah ta voilà. faute. Bah voilà. Ben, mets-nous un truc qui bouge. Un truc qui bouge. Donc, tu poses ton pied. C'est un truc qui bouge, elle a dit la demoiselle. Vous avez un point devant toi. Allez. Donc on est conscient qu'au début, je vais forcément regarder que mes pieds. On est conscient qu'au début, quand tu vas faire ça, là, ce que je suis en train de faire, tu vas faire ça. Voilà. Ça, on est conscient. Peut-être remettre les pompes, là. Et ensuite, tu montes, et tu fixes ton poing, et tu plies un peu tes jambes, et après, tu joues sur les pas. Mais là, je me suis chier. Et toi, t'es droitière ou t'es gauchière? Droitière, j'ai un peu plus de moustiques. Donc tu pars avec le... Non, je suis droitier. Moi, je pars avec le droit parce que je suis plus à l'aise. Je suis à tout le monde. Enlève tes chaussettes. Ah bon? Oui. Sinon, tu vas ah pas... Ah oui, donc c'est pieds nus ou rien. Les pieds nus, c'est sûr. Ils ressemblent fortement. Tu regardes devant toi. Tu veux de l'aide? J'ai déjà. Ouais, ils sont ronds, c'est une question. Quand je te dis que j'ai vraiment pas d'équilibre. Vraiment pas d'équilibre. J'étais comme ça la semaine dernière. Vraiment pas d'équilibre. C'est vraiment pas d'équilibre. Non, j'ai pas utilisé à 5, ça va là-dessus. En fait, je voulais utiliser le côté du mousqueton. Tiens, donc tu vois. Vas-y, lance-toi. En fait, toi, tu es. En fait, c'est au début que ça va être coupé. Alors moi, je vais pas là. Le plus loin que tu fais. Avec plaisir. Tu veux un peu petit bout de melon, partage tout. Ça marche, j'entends. Tu parles de tout. Non, la Slack, c'est bien possible, mais on sait, c'est pas beaucoup. José ? Ah, tu permets. Je veux rien. Putain, je m'en fous partout, maman. Ah, tu vas pas râler, je te file du melon, là. Toute collante à côté de toi. Comment ? Maman, c'est toi. Non, c'est A, maman, maman. C'est ce qu'on veut, selon l'état. Selon les personnes. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que tu vois, ah, genre... ça y est. Mais un diminutif, d'amandine, quoi. Tu vois, la culture arabe est dans sa peau. Ouais. Comment tu m'as dit l'autre jour, un macro? Non, tu voulais pas macro. Je voulais pas sardine. Ah ouais? Je voulais pas... Oui, ça marche aussi. Je vais pas lui donner des idées, non plus. Je valide. Tu as dit quoi? Le contexte, en fait, tu vois, ils sont en train de mourir. Ouais, c'est un peu. Ils étaient pas arabes, vraiment. Ben voilà, ils étaient. Ça marche pour toutes les filles, c'est ça que les gens allaient en France. Non, c'est trop belle parce que tu t'es mis sur la tête, tu vois. C'était pas du tout bien vu. À l'époque, c'était. Et là, c'est toi qu'on parle. Après sa mort, Bon, moi, je sais, je suis plus à sa frère. Tu vas juger si tu connais pas. Tu vas juger si tu connais pas. Tu l'as pas vu quand tu faisais jour. Mais ta gueule, toi. Quoi? Tu veux voir ta lampe? Quoi? On en parle de ta tête à toi? À toi? Il est où mon couteau? Ça y est, t'as parlé avec Adèle, tu parles comme ça. Non, non, je parle comme je veux d'abord et je parle de l'accent de chez moi. Oh, de chez moi. C'est l'accent de chez toi. Je viens de Dordogne. Au canaille. Et en Dordogne, je vais me chercher une petite bière. Voilà. Un peu au sud, à côté de Bordeaux, avec les gavés. Vous vous êtes mis une route. Okay. Voilà. Entre, entre Bordeaux et Limoges. Okay. Tu fais quoi ici, Anne? Je suis en étude. Deux. De peinture. De peinture. Ok. Je peins. Et t'aimes quoi peindre? Est-ce que t'as pas des photos de ce que tu peins? Si, j'ai assez de batterie. Voilà, moi c'est ça que j'attendais, moi. Mais j'ai dans les airs. Oh ouais. J'ai pas de mouchoir, par contre. Mais combien dans la coloc? Je mets ça, tu les gardes dans ta coloc. Est-ce que vous avez l'aide? Vous avez... Ah voilà. Ouais, c'est ça. C'est bien une coloc à 12 000, on est d'accord. Vous êtes combien? 7. 7. Waouh. Ouais. Non, mais on a chacun notre salle de bain, les gars. Donc mollo. Mais c'est un château là où vous vivez ou quoi? C'est vrai que chacun... On a même un jardin avec des petites abeilles qui viennent, parce qu'on a des ruches. Mais non. Banane. J'ai du goût, je trouve ça divin. Je m'appelle Stuart, je kiffe les bananes. J'en fais mon festin, après je n'ai plus faim. J'ai du goût, on fait des choses comme ça. Alors. Ça c'est une peinture ça? Oui. On peut aller démonter. Alors ça c'est ce que j'ai restauré. J'ai restauré un étui. Ouais. Cet étui là en fait je l'ai changé. Je l'ai modifié. Tu vois, elle était toute abîmée sur les côtés. Je suis venue tout restaurer sur le côté. Hop. Et ça c'est pas pour tes études ça? Si si. Ah ouais? Voilà. C'est trop stylé. Ça c'est l'étui à guitare. Ça c'est une peinture qui fait 2 mètres. Donc c'est un tissu que tu as récupéré et que tu as recousu ou c'est plusieurs? Non, c'est... Pour faire un patchwork. Ah non, c'est une guitare. Oui d'accord. Non c'est du papier. Ah, c'est du papier. Collé. Oui. Ok. Ça, c'est une toile qui fait 2 mètres par 1,30 m. Du coup, on va réunir c'est les parties de la toile. C'est trop bien. En entier, c'est 2 mètres par 1,30 m. Oui. Je crois que Quentin a passé plus de temps à faire et à refaire. Putain. C'est tout plat. C'est-à-dire que tu passes ta main dessus, c'est tout lisse. C'est pas du... C'est pas le carrelage. Il n'y a rien de collé, c'est que de la peinture. Voilà. Mais non. C'est génial. Tu l'as immergé. On fait ça aussi. Non mais ça c'est un effet que tu fais en peinture. Oui. C'est même pas un truc que tu fais genre brûler ou non, quoi non. Quoi, tu le peins. Oh, la vache. C'est impressionnant. Si je me suis amusé à faire un vitrail aussi, un faux vitrail. Putain. Non mais du coup le. Ah oui non. Et après c'est de la mise en scène quoi. Ça c'est le dessin. Et après... Et du coup t'as fait l'impression qu'il y avait un truc derrière? Ah c'est mon jardin qui est derrière. Okay. En fait si tu veux j'ai peint sur une plaque de plexiglas. Ok. Avec de la peinture vitrail. Et du cerne à guta, tout ça. Et après je l'ai mis en scène de façon à ce que ça fonctionne quoi. Ouais, c'est ça. Je te jure que c'est méga impressionnant. Oui, franchement, pour moi ça me paraît pas. Ah bah ouais. Et ça c'est le dernier que je suis en train de faire. Ça c'est une pochade, donc c'est les... En gros les pochades c'est les tests, c'est les croquis d'entraînement. C'est les croquis d'entraînement. Pour faire... Alors celui-là il fait 60 par 50. Bah, tu mets combien de temps pour faire ça? Là il y a une vingtaine d'heures. Seulement? Et celui-là, celui-là que tu viens de voir. C'est magnifique. Non, merci. Voilà, on fait ce genre de choses. Non mais tout le monde est aussi bon que ça ou... Ah ouais, mais tu vois, le truc que tu viens de faire... Ça doit être ultra galvanisant. Celui-là il faut bloquer. Comment ça? bah, de voir d'être entouré de gens qui sont tous ultra bons. Moi j'adore, je m'éclate trop dans ce que je fais. Tu vois, quand je te dis que je suis à l'école du lundi au dimanche, en soi je suis trop contente d'y aller quoi. Ouais bah ça m'étonne pas. C'est trop bien. Et vous êtes combien? J'ai un poisson et une rose. J'avais même pas, mais j'avais pas fait gaffe. Et souvent les gens me demandent pourquoi t'as des boucles d'oreilles différentes, je leur dis parce que j'aime bien, c'est pas beau, si ça va. Puis je lui dis, puis tu sais c'est pour équilibrer les mauvaises odeurs parce que bon le poisson ça sent fort, du coup une petite fleur ça fait toujours pas de mal. Ah oui, c'est mon cœur, c'est personne. Et ça à chaque fois c'est ce que j'ai oublié parce que... Tu vois, mon fini là. Alors, et l'information, savez-vous pourquoi le bouc sent mauvais? Non. Pourquoi? Pourquoi le bouc sent mauvais? C'est pour appuyer les femelles d'un point de vue sexuel. Pas mal. T'as eu la fin de la réponse. Mais pourquoi, comment il sent mauvais maintenant? Comment? Comment il sent mauvais? Comment ça se fait qu'il sent mauvais? Effectivement, c'est pour attirer les femelles. Il dégage de la sueur. Ouais, c'est ça. Non. Coup, il non, mais on est sur du flux. Il pète beaucoup. C'est un genre d'hormone comme nous, il est masculin et sécrète. Non. Alors, il y en a sans doute dans le flux qu'il expulse. Pour le preuve. Des pipis sur comme lui. Comme il fait Friendly. Pas mal. Bien joué. Il se fait pipi sur le bouc. Ah, sur le bouc. Ouais, sur le bouc. Ah, ah bah, je peux dire que je l'ai vu. Je l'ai vu et il m'a pissé dessus. Donc, si tu veux... Il en fout partout, quoi. Bah, juste, il met sa kick un peu comme ça et puis il pisse. Et puis, et ça pue la mort. Je me suis cassé l'aile étordue, le pied étordu, à la volette étordue, à la volette étordue, le pied. Mon petit oiseau, veux-tu te soigner, mon petit oiseau. Non, celle que j'aime bien, c'est derrière chez moi, il y a un bois, le bois derrière chez moi, l'arbre dans ses feuilles, Marion, Marie, l'arbre dans ses feuilles, Marie. Et dans le bois, il y a un arbre. L'arbre est dans le bois derrière chez moi. L'arbre est dans ses feuilles, Marion, Marie, l'arbre est dans ses feuilles, Marion, Dandé. Et dans l'arbre, le suivant, c'est il bon. Y a une branche. La branche est dans l'arbre. L'arbre est dans le bois derrière chez moi. L'arbre est dans ses feuilles, Marion, Marie, l'arbre est dans ses feuilles, Marion, Dandé. Et dans la branche, il y a un crou. Le crou est dans la branche. La branche est dans l'arbre. Elle est longue, hein. Je te préviens, elle est longue. Ok. L'arbre est dans le bois. Je vais remonter son le nu. Bois derrière chez moi. L'arbre dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre dans ses feuilles, Marilon, Gandé. Et dans le crou. C'est lui qui prononce comme quoi, ça, c'est juste drôle. Le trou. Ah, d'accord. Il y a un nid, le nid est dans le crou. Oh, le crou est dans la branche est dans l'arbre. L'arbre est dans le bois derrière chez moi. L'arbre dans ses feuilles, Marilon, Marilé. L'arbre dans ses feuilles, Marilon, Gandé. Et dans le nid, tu chanterais ça au milieu de Brocéliande autour d'un feu, je ferais pas le malin. Hein. L'arbre est dans le nid est dans le crou est dans la branche est dans l'arbre est dans le bois derrière chez moi, l'arbre est dans ses feuilles, Marilon, Marilé, l'arbre dans ses feuilles, Marilon, Dandé. Et dans l'œuf, il y a un oiseau, l'oiseau est dans l'œuf est dans le nid est dans le trou est dans la branche est dans l'arbre dans et le bois. Et il passe en rythme avec la vie. Chez moi, l'arbre dans ses feuilles, Marilon, Marilé, l'arbre dans ses feuilles, Marilon, Dandé. Et dans l'oiseau, il y a un cœur, le cœur est dans l'oiseau est dans l'œuf est dans le nid est dans le crou est dans la branche. Bon bah, je vous laisse avec cette musique. Voilà, et après à la fin, il y a l'amour dans le cœur et le cœur. Vas-y, continue. Non, c'est bon, tu t'en vas, c'est bon, je veux plus. Et moi, j'ai pas droit. Non, on va arrêter là. Non, on va arrêter de se mettre... Je peux t'en faire une autre. Oula, oula. C'est du breton. Ah, les gamins, ils la kiffent celle-là. C'est quoi, c'est du Jap? C'est du l'indien. C'est de l'indien, ok. J'ai fait un retour au calme comme ça au zoo. Les retour gamins, au calme. Un retour au calme. En fait, c'est quand les gamins sont assez speed, il faut les calmer okay. tout de suite. On était au zoo et puis c'était le goûter et ils étaient complètement aïe excités. Je commençais à courir, meuf. Puis là, je commence à attraper mes gamins, j'en attrape un, je commence à chanter la chanson, ils commencent à la chanter avec moi, on se dirige, on va en chercher un deuxième et puis un troisième et ainsi de suite. Et en fait, au bout d'un moment, les enfants ont compris et ils revenaient et tous mes gamins sont venus chanter la chanson. Et pendant qu'ils chantaient la chanson tous ensemble, je les ai posés deux par deux en rang. Très rapidement, donc ils ont compris qu'il fallait se mettre deux par deux. J'ai rien dit, je leur ai rien dit du tout. Du coup, ils se sont passés en deux. On a continué à chanter. Je cherche et là, je me suis retournée. Je commençais à partir. Les gamins, ils m'ont suffi. Et là, les gars qui nous regardaient trop jaloux dans le zoo en disant putain, c'est le centre de loisirs, fais chier. Ils étaient comme ça. Et moi, j'étais trop contente parce que ça leur a cloué le bec parce que souvent, on se tape des réflexions avec les gosses et tout. Parce que, c'est vrai que ça peut être. C'est brillant les enfants, quand on a 30, c'est brillant. Mais alors là, ils étaient, j'aurais troué le cul, mais j'étais trop contente. C'était trop bien. Et tu fais ça souvent? Tous les étés, ouais. Ah ouais, ouais. Deux mois, un mois? Deux mois. J'ai pas de vacances, je prends pas de vacances. Je bosse l'été. Faut des sous. Non, c'est plutôt pas mal. En fait, je connais très très mal Lenny Kravitz. Ouais. Mais à la jam justement où j'allais à Annecy. Mais non. Ouais. J'en jouais tout le temps. C'est vrai. Donc moi j'étais frustré parce que je connaissais pas. Donc je pouvais pas participer. Oui. Ouais. Et du coup, ce truc, je le connais. Mais j'essaie de le bouger. Mais il y avait un mec qui savait. Le mec qui chantait à chaque fois, c'était horrible. Moi je trouvais ça horrible. Il chantait pas bien. Il chantait pas bien, je trouve. C'était un vieux. Et tu vois, il chantait du rock, mais en fait, il disait jamais les bonnes paroles. Okay, et il gueulait, en fait, tu vois, comme Johnny, il gueulait. Trop nul. Du coup, il racontait pas les bonnes paroles, et un jour, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, je vais te donner une leçon, c'est 20 ans d'expérience de chanson. Te casse pas les pieds avec les paroles, personne les comprend, même les mecs qui les chantent. Trop nul. Il dit, moi, je fais du à peu près. Et ça plaît. Et ça passe. Et j'étais en mode, mais... Non. Non. Quand tu chantes, moi je trouve ça horrible en fait. C'est donc trop, j'ai trouvé c'est ça trop fou. Nul quoi quand tu conduis yaourt. Bah ouais. Et vraiment il y a des moments ça voulait rien dire ce que tu disais. Ça ouais. Rimait pas. Trop tu vois nul. En plus quand il arrive pas à faire rimer c'est terrible. Attends. Donc c'était. Quand t'es dans les bons. Elle explique. Il faut s'y habituer au niveau de tes hanches. Genre il faut s'habituer à marcher pieds nus pendant X temps pour pouvoir penser ça. Les hanches n'ont pas l'habitude avec les talons, avec les semelles que nous on a pu. En vrai c'est méga bizarre, elle a dit que c'était trop agréable parce que du coup t'avais moins de... T'es avec la tension des semelles, t'es plus c'est toi qui à ressentir ce que oui, j'avais mon frère, si mon frère ne travaillait pas. Par contre quand t'as un caillou, avec la boulanger, un grand pote... Non, c'est pas moi. Il y a de la fine parce que... C'est avec la fine, c'est quand même quand t'as un caillou. Mais je crois que ça a rien c'est pas la même. Mais non, c'est pas moi, c'est un peu de la avec ça chaud, j'ai trop envie de savoir. Et du coup, ça fait mal, j'ai envie de savoir. Ça fait longtemps, elle marche pieds nus, etc. Pour s'habituer, elle et ses on en reparlera une prochaine. Rentrez bien, faites attention à vous. C'était du de ma vie, c'est normal. C'est parti de l'aventure.